Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Flagjet pour votre émission de vulgarisation scientifique Mission Impossible. Mission Impossible, c'est une émission dans laquelle les agents Justine, bonjour Justine. Et bonjour Gaëtan et bonjour à tous nos auditeurs. Agent Bertrand, bonjour Bertrand. Bonjour Gaëtan, bonjour Justine, bonjour à tous et bonne année. Et moi-même, donc tous les trois élèves à l'ENSIC vous expliquent à chaque émission comment marchent trois ou quatre phénomènes physiques ou chimiques. Nous espérons que vous avez pu passer de bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2021 et nous sommes ravis de la commencer avec un tout nouveau numéro de Mission Impossible. Pour information, l'ENSIC, c'est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, dans laquelle, nous élèves, on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique et la chimie dans les thèmes de l'énergie et de l'industrie. Et maintenant, entrons dans le cœur de notre mission et découvrons ensemble le programme d'aujourd'hui. Justine, quel sera ton premier thème pour cette émission ? Alors, comme j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous ont pu déguster de super repas pendant cette période de fête, nous allons voir comment fonctionne le goût. Ah, top ! C'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas tant tellement c'est naturel pour nous. Et ensuite, pour bien commencer l'année, tu vas nous parler d'un sujet que nous traitons à l'école et qui rentre dans le quotidien d'une très large partie de la population mondiale. Et oui, je vais vous montrer comment se forme le pétrole, vu qu'il est à la base d'un bon nombre de produits et d'utilisations dans notre quotidien. Je me tourne maintenant vers toi, Bertrand, puisque tu vas nous parler du fonctionnement des siphons, ces appareils qui permettent de transvaser des liquides entre deux récipients, par exemple. C'est ça, je vous parlerai de la physique qui repose derrière cela, et vous pourrez même exercer chez vous. Vous verrez, l'expérience est assez simple à faire. Et en plus, c'est interactif. Que demander de mieux ? Et puis, tu vas nous expliquer comment volent les bourdons, toi qui avais déjà parlé de la manière dont volent les oiseaux dans la dernière émission. C'est ça, nous allons en apprendre un peu plus sur les petites bêtes, donc les bourdons, aujourd'hui. Et vous verrez qu'ils ont une façon de voler très particulière et vous serez surpris. Très bien. Maintenant que le cadre de la mission est posé, nous pouvons entamer notre travail. Agent Justine, à toi de commencer. Alors, vous savez, le goût est un des cinq sens parmi la vue, l'odorat, l'ouïe et le toucher. Ces sens font que nous pouvons percevoir le monde, et notamment donc le goût des aliments. Mais alors, qu'est-ce qui fait que quelque chose va nous sembler sucré, salé ou piquant ? Vous vous en doutez, cela se passe essentiellement au niveau de la bouche, mais pas que. Vous verrez que le nez joue également un rôle important. Alors, tout d'abord dans la bouche. Pour le coup, c'est majoritairement au niveau de la langue qu'il va se passer le plus de choses. En effet, on y trouve les papilles, qui sont des sortes de petites bosses à la surface de la langue. Dans ces papilles, il y a les cellules gustatives. Et à la surface de ces cellules, il y a des récepteurs qui sont chargés de reconnaître les molécules porteuses du goût. Mais dans une papille, il y a de nombreux et surtout différents types de récepteurs. On a un type qui est sous forme de canaux, où pénètrent certains éléments en présence d'une molécule responsable du salé ou de l'acide. En ce qui concerne l'amer et le sucré, les molécules associées vont quant à elles rester à la surface de leurs récepteurs. Mais en fait, globalement, ces récepteurs, ce sont des neurones. Vous savez, ces éléments qui servent à la communication nerveuse dans l'organisme et notamment dans le cerveau. Et chacun a plusieurs centaines de milliers dans sa bouche. Et en fait, ce sont des petits cils à la surface des récepteurs qui vont reconnaître les molécules qui arrivent, donner l'information aux neurones, qui vont eux-mêmes transmettre l'information au cerveau grâce à des signaux électriques. Bien sûr, cette information est transmise très rapidement, moins d'une seconde. Le cerveau va associer ces informations avec d'autres lui parvenant, comme la texture qui est aussi analysée par la langue, ou encore les signaux olfactifs venant du nez. Et le goût perçu peut légèrement varier si le nez n'est pas en mesure de percevoir les odeurs, comme par exemple quand vous avez le nez très bouché. Vous savez, des fois, quand on doit manger quelque chose qu'on n'aime pas, on dit justement qu'il faut se pincer le nez pour atténuer le goût. Bon, perso, ça n'a jamais trop marché des masses, hein. Et d'ailleurs, petite info pour finir, il existe une cinquième saveur fondamentale. Alors les gars, est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être ? J'ai jamais entendu de parler plus de 4 saveurs. Ouais, moi je la connais, en fait c'est un mélange d'un peu tout, je crois, ça s'appelle le umami. Eh bien tu as raison Gaëtan, c'est bien l'umami. C'est un mot japonais qu'on peut traduire par délicieux. Et c'est un goût qu'on perçoit par exemple en mangeant de la viande ou du fromage. C'est donc notre cerveau qui coordonne tout un tas de capteurs sensoriels qui nous permet de mettre un goût sur chaque aliment, c'est bien ça ? Eh oui c'est ça, heureusement qu'il est là le cerveau. On ne remerciera jamais assez nos papilles et notre nez de pouvoir profiter de tous les goûts que peut nous offrir la gastronomie. Tout de suite, nous allons satisfaire notre ouïe en écoutant Watermelon Sugar de Harry Styles sur Fadjet. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So wonderful and warm. breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. De retour sur Radio Fadjet dans l'émission Mission Impossible. Je suis toujours entouré de Bertrand et Justine qui venaient de nous expliquer comment fonctionne notre goût. Pour réécouter les passages des émissions que vous avez manquées, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de l'émission sur le site de Fadjet ou sur notre chaîne YouTube. Maintenant, c'est l'agent Bertrand qui va nous parler des siphons. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Raconte-nous tout. Alors, merci Gaëtan. Vous ne voyez peut-être pas ce qu'est un siphon. Un siphon, comme le dit le dictionnaire, c'est simplement un tube qui permet de transvaser un liquide en passant par un point supérieur à ses deux extrémités. Ceux qui ont un aquarium savent exactement de quoi je parle. Pour cette explication, tout peut être fait, tout peut être reproduit à la maison sans danger. Il vous suffit d'avoir deux verres, un tube et du liquide, de l'eau par exemple, et de préférence de quoi surélever un des verres. Remplissez tout d'abord le verre du haut avec de l'eau. L'autre doit rester vide pour le moment et donc un petit peu plus bas. Remplissez le tube avec de l'eau. Placez une des extrémités dans le verre plein et une autre dans le verre vide. Vous allez voir que l'eau va lentement mais sûrement aller du verre plein au verre vide, et ce jusqu'à ce que les deux verres aient l'eau au même niveau ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le verre du haut. Maintenant que nous avons réalisé l'expérience, comment ça a marché? Qu'est-ce qui physiquement a permis à l'eau de passer du premier verre au deuxième, tout en faisant passer l'eau au-dessus du niveau des verres? Pour comprendre, repartons au début de l'expérience. Le tube est rempli d'eau. Si on prend comme repère le point le plus haut du tube, la colonne d'eau entre le haut du tube et le verre en hauteur, donc la surface de l'eau en haut, du verre en hauteur, est plus petite que celle entre le haut du tube et le fond du verre vide, parce qu'il n'y a pas encore d'eau dedans. Il y a donc une différence de hauteur d'eau, donc de masse d'eau entre les deux. Là, on pourrait se dire que c'est simplement la masse d'eau la plus lourde qui va entraîner la masse d'eau la plus faible grâce à la gravité. Et ceux qui se sont dit ça ont raison, c'est exactement ce qui se passe. Mais alors, certains pourraient me demander pourquoi la colonne d'eau ne se scinde pas simplement en haut de la colonne pour remplir les deux verres. Ce à quoi je vous répondrai, la pression de l'air. Si la colonne d'eau se scinde en deux, il y aurait un vide qui se serait créé, et la pression de l'air pousserait alors l'eau pour reformer la colonne. Si vous faites un trou dans le tube en haut de la colonne, alors de l'air pourra entrer dans le tube et l'eau se déversera effectivement dans les deux verres. Le siphon ne pourrait plus être opérationnel. Si vous voulez vous amuser à la maison, à refaire l'expérience ou à faire encore d'autres choses, vous pouvez colorer l'eau située dans le verre du haut et vous laisser un fond d'eau transparente ou d'une autre couleur dans le verre du bas. Vous verrez alors les courants d'eau à l'intérieur des verres et ça peut être très hypnotique. N'hésitez pas à refaire l'expérience chez vous. Nous n'avons pas siphonné toute votre attention, alors découvrons maintenant ensemble comment se forme le pétrole. Agent Justine, dis-nous en plus. Alors, on va commencer par une petite devinette. Je suis une source d'énergie très utilisée dans le monde. J'occupe une place importante dans les industries chimiques que nous étudions à l'ENSIC. On me surnomme l'or noir. Je suis... Luc me dit le pétrole. Eh oui, c'est le pétrole. Eh oui, c'est bien ça. Qui est encore très utilisé, comme je le disais, comme source d'énergie, mais dont les réserves que nous fournit la Terre ne sont malheureusement pas inépuisables. C'est pourquoi aujourd'hui on cherche d'autres alternatives. Mais on est bien là pour parler du pétrole, et surtout comment il se forme, parce qu'il n'est pas apparu comme ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le pétrole? Eh bien, c'est un mélange d'hydrocarbures, c'est-à-dire des molécules faites de carbone, donc le C, et d'hydrogène, le H. Alors, d'où vient initialement ce carbone et cet hydrogène? Eh bien, il vient des petits animaux marins, ou micro-organismes marins, qui en sont composés, comme nous d'ailleurs. Ces petits animaux, comme du plancton par exemple, quand ils meurent, ils vont couler au fond de l'eau et s'y déposer. Et donc ça va former des couches. Et sur ces débris vont venir se déposer des sédiments plutôt minéraux cette fois, c'est-à-dire par exemple des grains très fins de roche, ce qui va recouvrir les couches de débris organiques, donc les petits animaux de tout à l'heure. Je précise aussi maintenant que pour ce processus, on se place à une échelle de temps géologique, donc pas sur quelques centaines d'années, mais plutôt remonter jusqu'au temps des dinosaures même. Alors, suite de l'histoire. Piégés sous les sédiments qui s'accumulent pour atteindre plusieurs mètres d'épaisseur, les débris organiques, donc toujours nos petits animaux, n'ont plus d'oxygène et vont alors se décomposer pour ne garder principalement que les molécules de type hydrocarbure, comme je l'avais mentionné au début, donc du carbone et de l'hydrogène. À ce stade, la matière obtenue s'appelle le kérogène. Mais avec le poids des sédiments qui continuent bien sûr de se déposer, tout cet ensemble va s'enfoncer encore. Il faut savoir que plus on s'enfonce, plus la température augmente. Et à partir d'environ 60 degrés, les molécules d'hydrocarbures vont se simplifier, donc elles vont se couper et devenir plus courtes. Ensuite, quand les sédiments sont enfoncés d'environ 1500 à 3500 mètres, c'est vraiment le pétrole comme on l'entend qui va se former. Mais si on s'enfonce encore, donc il fera encore plus chaud, c'est plutôt du gaz qui va se former cette fois. On dit que ce pétrole, il se forme dans des roches mères, parce que bah oui, c'est là où il naît, quoi. Ensuite, il faut savoir que le pétrole est moins lourd que l'eau. Donc il va avoir tendance à migrer vers le haut en se frayant un chemin entre les roches formées par les sédiments. Ensuite, quand il arrive au bout de son parcours, soit il n'a pas rencontré d'obstacle et donc il va arriver au sommet de la couche de sédiments, il va sortir et former des résidus solides. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. La deuxième option est qu'il rencontre une couche de nature imperméable de type argile. Alors il ne peut plus passer. Donc il va s'accumuler dans des roches poreuses où il se trouve, qui vont être cette fois des roches réservoirs. C'est comme ça que se forment petit à petit les gisements de pétrole. Il faudra donc creuser dans la roche pour aller extraire le précieux liquide. Ce pétrole sera ensuite exploité dans les industries qu'on étudie dans notre école pour en extraire certaines substances. Mais vous saurez sûrement la suite dans un prochain numéro. Affaire à suivre donc. Restez à l'écoute de Fadjet pour en apprendre un peu plus. Petite interlude musicale pour se faire plaisir maintenant. Nous allons écouter Back to Life de Hailee Steinfeld. Tout de suite sur Radio Fadjet. Our love's enough, transcending us through space and time. It's holding up, it keeps you and me intertwined. What's a pipe dream if you ain't trying to do it? What's a heartbreak if you ain't crying? I'll do it. What's a sunset if you ain't riding into it? Let's drive into it. Cause I'm bringing you back to life. Yeah, I know that you're gone, but I swear that you're here. It's a feeling that won't disappear. And you're bringing me back to life. than just our history. Our history. They lift me up. They flow like electricity. What's a pipe dream if you ain't trying to do it? What's a heartbreak if you ain't crying? I'll do it. What's a sunset if you ain't riding into it? Let's drive into it. 'Cause I'm bringing you back to life. Yeah, I know that you're gone. I swear that you're here. It's a feeling that won't disappear. And you're bringing me back to life. I was looking for something that I couldn't find. It's a feeling you give me inside. Flashing lights when the world is passing by. Oh, oh, oh. I can see you in the night coming through like flashing lights when the world is passing by. Oh, oh, oh. 'Cause I'm bringing you back to life. Yeah, I know that you're gone, but I swear that you're here. It's a feeling that won't disappear. And you're bringing me back. De retour sur Fadjet dans votre émission Mission Impossible. Je suis toujours entouré de Bertrand et Justine qui venaient de nous expliquer comment le pétrole se forme dans les couches terrestres et ensuite comment on va l'extraire, mais cela c'est pour un prochain numéro. Pour écouter les passages des émissions que vous avez manquées, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de l'émission sur le site de Fadjet directement ou sur notre chaîne YouTube. Vos oreilles ne bourdonnent pas trop en nous écoutant ? Tant mieux ! Car tout de suite, c'est Bertrand qui va nous expliquer comment les bourdons font pour se déplacer. Effectivement. Vous avez peut-être déjà entendu dire que les bourdons ne peuvent physiquement pas voler, car c'est une idée reçue qui se propage depuis plus d'une centaine d'années maintenant. Mais est-ce vraiment le cas? Qu'en pensez-vous, Gaëtan, Justine? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? J'avoue que pour le coup, je ne sais pas trop, personnellement. Ouais, j'avais jamais entendu d'histoire comme ça non plus, alors là, franchement... Je vous expliquerai plus tard d'où ça vient. Si vous avez écouté notre dernière émission, vous savez comment volent les oiseaux. Vous pouvez alors vous dire que c'est la même chose pour les insectes volants, donc pour les bourdons. Ce à quoi je vous répondrai, non, car les insectes volent différemment. Dans cette chronique, je vous parlerai du bourdon, pour casser la jambe de cette idée reçue, mais c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres insectes comparables, tels que les abeilles ou les guêpes. Commençons par le commencement. Un bourdon, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, le bourdon, c'est une famille d'insectes qui ressemble à une grosse abeille touffue, mais qui, proportionnellement, a de très petites ailes. De trop petites ailes. Je m'explique. Si vous avez écouté notre dernière émission, vous savez à présent que pour voler, les oiseaux utilisent la taille de leurs ailes pour créer assez de force pour se soulever en les agitant de bas en haut. Enfin, directement de haut en bas. Eh bien, physiquement, le bourdon, il en est incapable. Il lui est impossible de se soulever du sol s'il bat des ailes de haut en bas, comme les oiseaux. Ses ailes sont trop petites. Il n'aura pas assez de portance. Enfin, ses ailes sont trop petites ou il est trop lourd. Ça dépend de comment vous voulez le voir. Eh bien, figurez-vous que les bourdons, mais c'est aussi le cas des abeilles et d'autres insectes, les bourdons ont développé une façon de se servir de leurs ailes reposant sur une mécanique incroyablement complexe qui utilise des mini-ouragans. Vous allez voir, c'est simple. Les bourdons volent en faisant pivoter leurs ailes tout en faisant une forme de 8 avec. Au lieu de les envoyer de haut en bas, ils vont de haut en bas en faisant des 8 avec. Et cette façon de battre les ailes crée des poches de basse pression dans l'air. Et ces poches de basse pression vont créer des tourbillons au-dessus de l'aile du bourdon. Et ces tourbillons vont soulever le bourdon. Et ça va lui permettre de voler. L'explication était très simple, c'est déjà terminé. Mais je vais vous garder quelques instants pour vous parler de la manière dont on a découvert ça. De nombreuses expériences ont été faites, vous vous en doutez. Mais celle dont je vais vous parler, c'est celle du scientifique chinois Li Jiangzheng, dont j'écorche sûrement le nom, j'en suis désolé, qui est assez intéressante. Son équipe a collé des centaines de mini-miroirs sur des abeilles, notamment sur leurs ailes, et ils ont visé ces abeilles avec des lasers. Et c'est en étudiant la manière dont les lasers étaient réfléchis sur ces miroirs qu'ils ont pu étudier exactement le mouvement des ailes et la façon dont ils les penchaient. À noter que les études sur ces insectes ne sont pas terminées, car de nombreuses personnes travaillent encore à la réalisation de drones s'inspirant des abeilles, car ils permettraient de faire voler des appareils beaucoup plus petits et de les manœuvrer de manière bien plus précise. Un mode de déplacement très ingénieux, n'est-ce pas ? Maintenant que nous avons appris tout un tas de choses, nous pouvons passer à la séance du quiz. Et aujourd'hui, pour rester un petit peu dans le prolongement des fêtes de fin d'année, je vais vous interroger sur les pratiques de fêtes de fin d'année tout autour du monde. Oula ! Ah, j'ai hâte de voir. On va essayer d'un petit peu voyager ensemble. Alors, ces pratiques se toucheront surtout au Nouvel An. Première question, en Thaïlande. Donc, ça va être à chaque fois un panel de quatre propositions que je vais vous donner et vous aurez à choisir. D'accord. Donc, en Thaïlande, pour le Nouvel An, il a lieu au printemps et on a pour coutume de se rafraîchir en se balançant des litres et des litres d'eau dans les rues. Petit B, le Nouvel An a lieu en automne et on a pour coutume de rassembler les feuilles tombées des arbres et les brûler en offrande à différentes divinités. Petit C, le Nouvel An a lieu en hiver et on a pour coutume de faire des petits autels en bois que l'on entoure de vivres et d'habits pour montrer sa reconnaissance pour l'année qui vient de se terminer et demander bonne fortune et prospérité pour l'année suivante. Ou alors, petit D, le Nouvel An a lieu en été et ses chouchous est baigné à volonté sur la plage. Alors, j'aimerais beaucoup que ce soit le dernier cas, mais bizarrement, j'y crois pas trop. Je pense qu'on peut éliminer la dernière. La dernière, je pense qu'on peut l'éliminer. Donc, tu nous as dit, donc c'est soit printemps et jeu avec de l'eau, soit hiver et on fait des hôtels, soit automne et... Soit en automne et on ramasse les feuilles qui tombent des arbres et on les brûle pour vénérer certaines divinités. Je pense que ce serait... Je sais pas, ça me paraît trop... Pas assez cérémonieux, on va dire, l'automne. Moi, je partirais bien sur le printemps et des jeux d'eau. Et toi, Justine ? Tu peux rappeler ce qui était associé à l'hiver, s'il te plaît ? L'hiver, c'est des petits hôtels en bois qu'on fait. On met des vivres et des habits autour pour apporter la bonne fortune pour l'année qui arrive. Bah, je vais rester sur l'hiver, un peu comme nous, pour le coup. Eh bien, écoute, bonne réponse pour Bertrand, puisque le Nouvel An a bien lieu au printemps. Parce qu'en Thaïlande, ils sont pas calés sur le même calendrier que le calendrier qu'on peut avoir en France. Eux, ils ont un calendrier bouddhiste. Et donc, leur passage à la nouvelle année se passe le 13 avril. D'accord. Et du coup, la tradition des jets d'eau dans les rues, elle vient du festival de Songkran, qui avait donc pour coutume de verser au départ de l'eau parfumée sur les mains des plus anciens et de certaines statues bouddhistes pour éloigner le mauvais sort. Cette pratique a vite dérivé vers une espèce d'immense bataille d'eau dans toutes les rues de la ville et a conquis même l'ensemble du pays où il est de bon ton de s'armer de seaux et de pistolets à eau pour asperger les passants. Faut avoir son maillot de bain si on y va. Mais après, c'est pas mal parce que vu qu'ils sont au printemps, ils ont souvent de fortes chaleurs, donc c'est assez rafraîchissant. Ils allient utile à l'agréable. Bah oui, ouais, ça fait du bien, effectivement. Maintenant, au Pérou. Pour le Nouvel An, petit A, on reconstitue des poupées à l'effigie de personnalités publiques que l'on brûle pour montrer qu'on ne les apprécie pas. Petit B, on organise dans les villes et les villages des concerts de plus ou moins grande amplitude tout au long de la nuit du réveillon. Petit C, on offre des cadeaux et de la nourriture aux animaux domestiques. Ou petit D, on écoute un CD de Serge Lama. Je ne connaissais pas Serge Lama, j'irai regarder après. S'il existe. Oui, c'est un chanteur. D'accord, bah, j'irai découvrir. C'est une référence parce que le lama est souvent associé au Pérou. Oui, j'aime le jeune. Par contre, donc c'est soit les poupées. Les poupées qu'on brûle, les concerts toute la nuit du réveillon ou des cadeaux pour les animaux domestiques. Alors, moi je verrais. Enfin, après c'est ma façon de penser, mais je verrais pas les concerts. En fait, le problème c'est les poupées qu'on brûle. J'aurais dit pourquoi pas, mais je les aurais pas mis aux effigies des personnalités politiques. Donc je pense pas que ce soit ça. Donc j'irais plutôt sur les concerts toute la nuit, en fait. Les concerts ou les cadeaux pour les animaux ? Pardon, les cadeaux pour les animaux, excuse-moi. Ok, toi Justine ? Bah, pour le coup, vu qu'en Amérique du Sud, ils sont quand même assez festifs, hein, ils ont beaucoup de fêtes, de danses traditionnelles, tout ça, donc bah, pour le coup, je verrais bien les concerts toute la nuit quand même. Ah, bah, écoutez, je suis bien content de vous avoir piégé, parce que ce sont les poupées à l'effigie des personnalités politiques que l'on brûle. D'accord. Ah bon, bah, comme ça. C'est pour quelle raison ? Pour montrer la désapprobation du peuple envers certaines élites politiques. Et en fait, à l'origine, la tradition, c'était de mettre au feu, plus symboliquement, toutes les mauvaises choses qui venaient de s'écouler dans l'année et repartir sur des bonnes bases pour l'année qui vient. Mais bon, bon an mal an, la coutume a dérivé vers certaines personnalités politiques du pays. D'accord. C'est une tradition qu'on retrouve dans d'autres pays d'Amérique du Sud, comme en Bolivie, par exemple. Allez, une petite dernière pour la route. Aux États-Unis, et plus particulièrement à New York, pour le Nouvel An, petit A. En tant que capitale culturelle du pays, l'intégralité des lieux culturels de la ville, donc musées, théâtres, etc., sont gratuits la nuit du 31 au 1er. Petit B, on illumine une boule gigantesque à Times Square et on fait le décompte à partir de 23h59. Petit C, on laisse s'envoler au pied de l'Empire State Building des ballons de baudruche dans le ciel, et ces ballons contiennent des messages bienveillants. Ou enfin, petit D, on chante New York, New York de Frank Sinatra, une fois mis sur nous. D, la réponse D. C'est assez intéressant parce que techniquement, les trois premières sont assez plausibles. Mais oui, c'est ça. La boule où tu fais le décompte, c'est très possible, mais ce serait pas traditionnellement. Je pense que ce serait plutôt un truc récent. T'as dit quoi le A et le C du coup ? Le A, c'est la gratuité des lieux culturels toute la nuit. Et le C, c'est les ballons de baudruche avec des messages bienveillants au pied de l'Empire State Building. Oh, on peut pas en choisir deux. J'irai quand même sur la gratuité. Et toi, Justine ? Bah, moi, l'image de la boule avec le décompte, cette image me parle bien. Donc, je vais aller sur ça. Et t'as bien raison, parce que ça existe. Cette coutume, on appelle ça le Times Square Ball Drop. Donc en fait, c'est une boule géante de 3,7 mètres de diamètre qui est mise sur le toit d'un bâtiment, le One Times Square. Et cette boule, elle est composée de plein de panneaux à cristaux en forme de triangle coloré qui s'éclairent pendant le décompte des 60 dernières secondes de l'année qui se termine. Et pour la petite histoire, pour le Times Square Ball Drop de 2020, la chanson New York, New York a bien été mise dans la ville pour souhaiter la nouvelle année. Donc, comme quoi, c'est un peu de vrai dans ma dernière réponse. J'ai beaucoup aimé les anecdotes. Puis ça fait voyager un petit peu en ces temps de confinement. Enfin, de confinement. Moi, je suis content d'avoir réussi à vous piéger sur certains points. Parce que tout ce qui était faux a été inventé par ma personne. Ah bah t'as beaucoup d'imagination alors. Ouais, c'était vachement sympa. Merci à tous pour nous avoir suivis dans cette nouvelle émission de Mission Impossible. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous réécouter en podcast sur le site fadjet.net ou sur nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram. D'ailleurs, si vous avez des questions sans réponse, n'hésitez pas à venir nous les poser. Nous y répondrons peut-être dans une émission future. Il est donc l'heure de se dire au revoir. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 22 janvier de 16h à 16h30 pour une nouvelle Mission Impossible. Salut à tous. Salut. Salut.